10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République avec 6 400 000 voix contre 2 millions réparties entre les autres candidats. Les paysans et les ouvriers avaient voté en masse pour le neveu du grand empereur, fils de l'ancien roi de Hollande, Louis Bonaparte, et d'Hortense de Beauharnais. On le jugeait insignifiant, mais il avait pour lui son nom, car la légende napoléonienne avait effacé les mauvais souvenirs de l'époque impériale. 2 décembre 1851. Le prince président, Louis-Napoléon, bien décidé à suivre la route de son illustre prédécesseur, choisit le jour anniversaire du sacre de Napoléon Ier et du triomphe d'Austerlitz pour faire son coup d'État, avec l'aide de la police, dirigée par Maupas, et avec l'aide de la troupe, commandée par Magnan et Saint-Arnaud. Une proclamation informe le peuple de la dissolution de l'Assemblée nationale et l'appel aux urnes pour entériner le coup d'État. Victor Hugo avait soutenu la candidature de Louis-Napoléon aux élections présidentielles de 1848, mais il ne tarda pas à passer du côté des opposants républicains. Au lendemain du coup d'État de 1851, avec un groupe de députés républicains, il essaya d'organiser la résistance armée dans les faubourgs, mais il se heurta à l'indifférence. Victor Hugo, qui avait été avec Béranger un des premiers responsables du culte rendu à Napoléon Ier, s'était déjà insurgé contre le prince et président qui essayait d'obtenir légalement le pouvoir à perpétuité par la révision de la Constitution. Devant l'Assemblée nationale, en effet, le 17 juillet 1851, il apostrophait ainsi Louis-Napoléon.